prétendait, messieurs, en parfait démagogue. Faute d'or noir, vous avez quelques idées. Votre imagination, en fait, n'est qu'un prologue. Un truandage honteux, un vol légalisé. Oh, certes, je suis pour cesser le gaspillage. Notre Occident pourri, par vos soins gangrénés, consommateurs d'enfer, mais grâce au matraquage de vos publicités, l'auriez-vous oublié? Je reconnais, messieurs, vous avez de la classe pour traire un citoyen sans la moindre douleur. D'abord, vous instaurez la psychose de masse. Vous patientez un peu et tout passe en douceur. Il abandonne, messieurs, ce cher automobiliste, à l'époque où l'auto est un objet commun. Si l'on devait dresser de vos impôts la liste, vos abus traumatiseraient tout un chacun. Vous prétendez, messieurs, que chacun surconsomme. Le prêcheur a le droit de montrer le chemin. Partez à l'éclaireur, suivront des millions d'hommes. À moins que vous n'ayez pour nous d'autres dessins. Mais cessez, je vous prie, de prendre pour des caves ces gens qui ne sont que, pour vous, des vaches à lait. Du train ouvrant les choses, problème si grave que nos enfants n'auront plus de quoi subsister. Plus de quoi subsister.